veux fermer les yeux sur ce monde-là, non. Les choses sont comme elles sont, mais je veux vivre à l'abri des ombres. In the shadows.